Chapitre 2e, la traversée. Le paquebot sur lequel le baron Walker, le vicomte de Kerlusset, Maurice de Lavernay et Hervé Marcel avaient pris passage était un de ces grands steamers qui joignent à la rapidité le confort le plus complet. Les deux jeunes sœurs, qui n'avaient jamais été en mer, furent émerveillées de l'aménagement de leur cabine. Elles avaient retrouvé dans l'étroit espace qu'elles occupaient les mille et une superfluités de la vie parisienne. La traversée, du reste très courte, fut pour les émigrants une véritable fête. Pendant le jour, on se tenait sur le pont du navire, le soir, on faisait de la musique dans le vaste salon où se réunissaient les passagers de première classe. Rien ne favorise plus l'intimité des relations à bord que la nécessité de la vie en commun. Le richissime banquier, que les jeunes femmes avaient entrevu de loin en loin avant leur départ de France, était devenu leur compagnon assidu. Et comme il avait beaucoup voyagé et qu'il racontait à ravir, elle prenait un plaisir extrême à ses récits. Lorsque l'air du soir n'était pas trop vif, le baron montait avec Kerlusset et Lavernay sur le pont pour fumer un cigare, et leur expliquait le mécanisme de la grande entreprise qui devait quintupler leur fortune. « Ce n'est pas tout, leur dit-il, dans un moment d'expansion, d'avoir en main une bonne affaire. Il faut que les autres la croient excellente, et pour cela, une certaine mise en scène est indispensable. » Je veux que notre arrivée à New York soit un véritable feu d'artifice. J'ai commandé, à cet effet, au New York Herald, un de ces articles à sensation qui donne la fringale aux millions. Dès le lendemain de notre débarquement, 100 000 affiches, hautes chacune de 2 mètres, couvriront les murs de la grande cité américaine. À quoi bon tous ces frais ? Objecta le vicomte de Kerlusset, dont l'esprit sérieux répugnait à ce luxe de réclame. Notre capital social n'est-il pas souscrit en entier ? Si les actions doivent hausser, n'est-il pas préférable que cette hausse provienne du succès de l'entreprise ? Vous n'êtes qu'un naïf savant, répondit le banquier en riant. Autant vous êtes compétent au point de vue technique, autant vous êtes étranger aux 1000 détails qui constituent le lancement d'une grande affaire. Laissez-moi faire, et avant 2 mois, la valeur de nos actions sera plus que doublée. Il y a un instant, je vous parlais de New York Herald qui, comme tirage, lutte avec le Times. Savez-vous comment son heureux propriétaire est arrivé au succès ? C'est en faisant de la réclame une véritable institution. C'est de la réclame, continua le banquier, qu'il faisait dernièrement lorsqu'il équipait à ses frais un vaisseau sous le commandement de M. Stanley, afin de rechercher le grand voyageur Livingstone qu'on croyait perdu dans les déserts de l'Afrique. Allez au bout du monde, parcourez les îles uniquement habitées par des peuplades sauvages, et vous y trouverez des poteaux avec des affiches du New York Herald. Quelque bonne que soit notre entreprise, mon cher savant, ajouta le baron, soyez convaincu qu'elle tomberait dans l'eau sans la puissance de l'annonce qui, avec les chemins de fer et l'électricité, est devenue la reine du monde. Et puis, songez enfin, et c'est tout dire, que nous allons dans la patrie de Barnum, qui sera notre voisin à Broadway. Avez-vous donc en vue un local pour notre installation ? Demanda le baron de Lavernay qui était tout oreille. Mieux que cela, je l'ai fait acheter, répondit Walker. C'est dans un palais que nos bureaux seront installés. Les bâtiments seuls coûtent 2 millions et 150 000 francs seront nécessaires à l'acquisition du mobilier que j'ai commandé et à l'aménagement qui, à l'heure où je parle, doit être achevé. Maurice de Lavernay, qui n'avait aucune expérience des affaires, approuvait tout, admirait tout. Mais le vicomte de Kerlusset, qui était au courant des grandes entreprises industrielles, voyait d'assez mauvais œil ses prodigalités ainsi que tout ce déploiement de charlatanisme, et plusieurs fois il s'en était expliqué avec son beau-frère. Ne faut-il pas semer des millions comme on sème le froment pour en récolter ? Répondait celui-ci, ébloui et fasciné par la faconde du banquier. Quant à Hervé Marcel, qui se tenait naturellement en dehors de ces questions trop sérieuses pour de jeunes femmes, elle voyait l'avenir tout en rose. Leur voyage en Amérique était à leurs yeux un voyage d'agrément, un exil temporaire et charmant, à la fin duquel se trouvait le retour en France avec leur fortune quintuplée. Un matin, ils s'éveillèrent en entendant ce cri si cher aux passagers « Terre ! Terre !» Quelques instants après, elle s'élançait sur le pont pour saluer la terre américaine qui allait devenir pendant quelques années leur patrie d'adoption. Elles suivirent la direction des regards des émigrants et n'aperçurent d'abord qu'une ligne grisâtre qui se confondait avec les brumes du ciel. Puis, peu à peu, Cette ligne s'éleva au-dessus des vagues, et bientôt elles entrevirent le spectacle grandiose que présente le port de New York. Au moment du débarquement, le baron Walker offrit tour à tour la main aux deux sœurs et leur fit franchir la passerelle qui mettait le steamer en communication avec les quais, puis il monta avec elles dans un magnifique landau sur les panneaux duquel on lisait le nom de l'hôtel d'Astor. « Et nos maris, » dit Hebe, « et nos bagages, » dit Marcel. « Soyez sans inquiétude, mesdames, » répondit le banquier. « Ces messieurs sont restés en arrière pour surveiller la visite des colis que des camions transporteront à notre hôtel. » Pendant le parcours, la curiosité d'Ève et de Marcel était à chaque instant mise en éveil par la vue des nombreux monuments dont elles ignoraient les noms et la destination. Walker, en galant cicérone, leur expliquait tout. « Cette tour en marbre blanc qui se dresse devant vous, leur disait-il, est la tour des signaux. D'ici, vous pouvez voir la jonction des deux grands fleuves qui font la fortune de la ville, le Hudson et la rivière de l'Est. Plus loin, c'est la bourse dont la construction a coûté 9 millions et là-bas, c'est le musée Barnum. Si le caractère imposant des monuments et la magnificence des magasins provoquaient l'étonnement des deux jeunes femmes, quelque chose les frappait plus encore, c'était le mouvement et le bruit qui se faisaient autour d'elles. Tout le long de l'avenue Broadway, une foule affairée allait et venait sur les trottoirs et sur la chaussée des omnibus, des tramways et des voitures de maîtres de toutes les formes se croisaient sans discontinuité. C'était comme le mouvement perpétuel appliqué à la race humaine. Tout à coup, leur landau s'arrêta. On était arrivé à l'hôtel d'Astor. Sur l'ordre du baron, les deux sœurs furent conduites à un appartement composé d'une vaste antichambre, d'une salle à manger, d'un salon et de deux chambres à coucher. « C'est fort beau ici et fort élégant, » dit Ève en examinant leur nouvelle demeure. « C'est vrai, » répliqua Marcel, « et nous ne serions pas mieux au grand hôtel de Paris. » Deux heures plus tard, le vicomte de Kerlusset et le baron de Lavernay faisaient leur entrée dans l'hôtel avec leurs nombreux colis sortis sains et saufs des mains de la douane.